إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit l'explication, la traduction du livre أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي للشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة. Le dernier cours, le shir nous a rappelé les mises en garde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans sa sunna lorsqu'il a interdit que l'on prenne sa tombe comme un lieu de fête, que l'on prenne sa tombe comme une statue qu'on adorerait en dehors d'Allah azza wa jal. Car le shir, il nous a parlé de ce qui était légiféré au moment où on passe devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le salam qui est légiféré, c'est-à-dire lui passer le salam et également prier sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est en dehors de cela, comme le shir l'avait expliqué, le fait de rester devant la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et invoquer à cet endroit-là, tout cela n'était pas légiféré. Et encore plus, ce qui rentre dans le shirk, c'est-à-dire demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah azza wa jal seul est capable, subhanahu wa ta'ala. Donc le shir l'avait développé, ce point-là, il nous avait expliqué et détaillé ce qui était légiféré de ce qui ne l'était pas. Et aujourd'hui donc, on va continuer ce qu'a cité le shir et qui est toujours en relation avec Al-Qubur, c'est-à-dire donc les tombes. Car le shir ici, il insiste, et c'est très important, que le musulman, il ait une croyance qui soit saine. Et cette croyance, elle passe par l'apprentissage du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, tout ce qui rentre dans le tawhid. Et lorsqu'on apprend le tawhid, on apprend également les adorations, tout ce qui est légiféré comme adoration, et tout ce qui va à l'encontre de ce qu'Allah a légiféré, de ce que son prophète a légiféré. Donc il était important que le shir détaille ce point-là, et qu'il mette en garde beaucoup de musulmans qui malheureusement sont tombés dans cette grave erreur, qui sont tombés dans cette perdition, ayadan billah. Et donc le shir il dit wa ziyaratul quburi ala wajhain, ziyaratun shar'iyya wa ziyaratun bid'iyya. Donc ce qui fait partie de ce qui est légiféré dans la religion, c'est la visite des tombes. Mais cette visite-là, elle doit être accomplie suivant les règles que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont on n'a pas le droit de dépasser des limites, des règles, dont on n'a pas le droit d'aller au-delà, de dépasser. Sinon, la personne va tomber dans l'innovation, et pire encore, elle va tomber dans le polythéisme, dans le shirk, riyadan billah, que ce soit mineur ou alors que ce soit majeur. Et c'est pour cela que le shirk va nous citer ce qui est légiféré de ce qui ne l'est pas, dans ce qui est de ce qu'on appelle ziyarat al-qubur, c'est-à-dire la visite des tombes, de façon générale. Il nous dit donc que la visite des tombes se divise en deux catégories. La première catégorie, celle qui est shar'iyya, donc légiférée, que la personne fait suivant les instructions prophétiques. Et la deuxième, ziyaratun bid'iyya, celle qui va donc aller au-delà des limites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixées dans cette visite, et des points qu'il a éclaircis, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont plus que clairs pour la personne qui revient à sa sunna et qui l'applique. Il va donc faire la différence ici, le shir, en donnant une définition pour ce qui est des deux. La première donc, فَالشَّرْعِيَّةَ أَلْمَقْصُودُ بِهَا أَسَّلَامُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءُ لَهُ كَمَا يُقْصَدُ بِالصَّلَاةِ عَلَى جَنَازَتِهِ فَزِيَارَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَسُنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَيِّتِ ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. Celle qui est légiférée, c'est celle dont le but est de passer le salam aux morts et d'invoquer Allah Azzawajal pour lui. On voit bien ici, ad-du'a ou lahu, ad-du'a ou lahu. Le shir, il n'a pas dit ad-du'a ou bihi, mais il a bien dit ad-du'a ou lahu. Il y a une grande différence entre les deux, entre le lam et le ba ici. Il a bien dit ad-du'a ou lahu. Une grande différence. On va voir ce qui est voulu par ad-du'a ou bihi plus tard. Ici, ad-du'a ou lahu, et c'est ce qui est donc légiféré, c'est donc pour lui, en sa faveur. C'est ça la traduction du terme lahu ici, ad-du'a ou lahu. L'invocation en sa faveur, pour lui, pour ce qui va lui être favorable. Et donc elle se résume en quoi? C'est tout simplement demander à Allah Azzawajal qu'il lui fasse miséricorde, qu'il le protège, comme cela est venu dans la, qu'il demande donc le salut pour lui, comme cela est venu dans la doua légiférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ma'thur an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la sunna authentique et qu'on va citer. Le shir nous dit, lorsqu'on passe le salam aux morts et lorsqu'on invoque pour lui en sa faveur, c'est de même lorsqu'on prie sur lui, lorsqu'on fait la prière sur lui, la prière mortuaire, as-salatul janaza. De même, lorsqu'on prie sur lui, c'est en sa faveur. C'est pour demander à Allah Azzawajal qu'il allège, qu'il lui facilite, qu'il allège s'il a des peines, etc. Donc tout cela, c'est en sa faveur. C'est de même. C'est dans le même jar. C'est pour ça que le visiter après sa mort, ça en rentre dans la même catégorie d'actes. Dans le même jar d'actes. C'est donc en sa faveur et uniquement pour lui. Donc on invoque ici Allah Azzawajal pour le mort. Pour le mort, en sa faveur. Et donc la sunna, c'est de lui passer le salam et de faire des du'as pour lui. Et nous dit le shir, que ce soit donc pour un prophète ou pour un autre qu'un prophète. Ici donc, pour ce qui est des morts, ils sont de même vis-à-vis de ce qui est légiféré au moment où on visite les tombes. Qu'il soit donc un prophète ou qu'il soit un non-prophète. Le résultat sera le même. On lui passe le salam et on fait des invocations pour lui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait ses compagnons de visiter al-qubur. Et on sait que dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de visiter al-qubur, de visiter donc les tombes. Et ensuite, cette interdiction, elle a été levée et il a permis ensuite de visiter les tombes afin qu'elle rappelle aux musulmans, aux croyants, l'au-delà, ce qui l'attend dans l'au-delà, pour qu'ils se rappellent que cette vie est éphémère et de courte durée, et que cela le motive à ce qu'il multiplie les bonnes actions dans cette vie d'ici-bas, afin qu'il en récolte les fruits dans l'au-delà. Et on sait que l'au-delà, la première station de l'au-delà, la première étape de l'au-delà, c'est la tombe, al-qabr. Le prophète sallallahu alayhi a donc enseigné à ses compagnons comment se faisait ce salam, et qui est le suivant: assalamu alaykum ahl al-diyar min al-mu'minin wal-muslimin. Que le salam soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Ahl al-diyar, ces demeures donc qui sont ici les tombes. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. Nous allons, si Allah le veut, certainement vous rejoindre. إِنَعَمْ. Car tout le monde, la mort l'atteindra. Et donc il va passer par cette étape. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. Et qu'Allah accorde sa grâce à ceux qui sont morts avant nous et à ceux qui vont les suivre. C'est-à-dire, on demande qu'Allah fasse miséricorde, qu'il fasse grâce à ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà dans leur tombe, mais également ceux qui vont les rejoindre dans cette tombe parmi les vivants. et dont la mort approche et dont ils vont subir le même sort. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour vous le salut, al-afiyah, le salut. Cette dua qui a été rapportée par l'imam Muslim dans son authentique min hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha, un hadith qui est authentique. Ensuite le shir, il va rapporter une version supplémentaire à ce qui était cité et qui est la suivante, donc une ziyadatun qui est la suivante: Allahumma la tahlimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. C'est-à-dire donc, ô mon Seigneur, ne nous prive pas de leur récompense et ne nous éprouve pas après eux et pardonne-nous ainsi qu'à eux. Cette version, elle a été citée comme étant faible par un certain nombre de muhaddithin et parmi eux Shir al-Albani, dont il a parlé fi Irwa al-Ghalil, et également Da'if ibn Majah. Da'if ibn Majah qui est le hadith 1546, ou Sunan ibn Majah qui est le hadith 1546, où le shir lui a donné le hukm de comme étant da'if, et également qui est rapporté par At-Tiyalisi ou l'imam Ahmed dans son Musnad. Et il nous rappelle le shir comme a fait Irwa al-Ghalil que dans Al-Isnad il y a Sharik al-Qadi Sayyul Hifd, donc un hadith, une augmentation dans ce hadith ou une version qui n'est pas authentifiée. Et donc on garde la première version qui s'arrête à Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nous demandons à Allah pour nous et pour vous le salut. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم أو زار شهداء أحد وغيرهم. Donc il fait de même lorsqu'il va visiter les gens du Baqi', donc le cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Baqi', où il se trouve donc des compagnons et d'autres. Il fait de même lorsqu'il visite donc ces tombes. Et il fait de même, sans rien y rajouter, lorsqu'il visite les shuhada de Uhud, les martyrs d'Uhud. Et tout cela est valable donc pour tous les autres, pour tout ce qui est, tout ce qui rentre donc dans ziyarat al-qubur. Donc ça c'est ce qui est légiféré, rien d'autre. Rien d'autre, c'est uniquement ce qui est légiféré. As-salam wa-d-du'a'u lahum. Donc le salam et les invocations pour eux, rien d'autre. Ensuite il dit, rahimahullah, وَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَوْ قُبُورِ غَيْرِهِمْ مُسْتَحَبَّةً عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. Donc le shir nous dit que prier auprès des tombes, que ce soit donc les tombes de Shuhada Uhud, de Ahlul Baqir, etc., ou alors d'autres tombes, ce n'est pas une chose qui est recommandée. Et cela auprès de tous les imams parmi les muslimines, parmi bien entendu les gens de la sunna. Personne n'a recommandé cela. Et il nous dit « Bal as-salatu fil masajid allati fiha qabru ahadin » أو التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك. C'est-à-dire donc que les prières qui sont exécutées, qui sont accomplies dans les mosquées où il n'y a pas de tombe de prophètes ou de pieux et d'autres encore, est meilleure que la prière dans les mosquées où il se trouve cela. Et cela بِاتِّفَاق أئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Et il n'y a donc aucune divergence parmi les imams des musulmans. Et il nous dit, bien au contraire, bal as-salatu fil masajid allati 'ala al-qubur imma muharramatun wa imma makruha. C'est-à-dire la prière que l'on va faire dans une mosquée où il se trouve des tombeaux, soit elle est interdite ou soit elle est détestable. Ensuite il dit وَزِيَارَةُ الْبِدْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودَ الزَّائِرِ أَنْ يَقْلُبَ حَوَائِجَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَيْتِ أَوْ يَقْصِدَ الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ يَقْصِدَ الدُّعَاءَ بِهِ أَوْ يَقْصِدَ الدُّعَاءَ بِهِ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب أحد من السلف الأمة من سلف الأمة وأئمتها بل هو من البدع المنهي عنها بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق السلف الأمة وأئمتها وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب il nous dit le shir, pour bien nous faire comprendre ce qu'est la visite qui est interdite à ziyaratul bid'iyya, il nous dit c'est lorsque la personne elle a comme but au moment de sa visite de demander ce dont elle a besoin à ce mayit. Si elle demande donc ce dont elle a besoin à ce mayit, elle est rentrée bien entendu ici dans le shirk. Donc c'est une bid'atun shirkiya, une innovation qui fait partie du shirk et bien entendu du shirk al-akbar. Du shirk al-akbar, c'est-à-dire du grand polythéisme, celui qui fait sortir l'islam. Si la personne, elle a la croyance que ce mayit, que ce mort, yashfa' indallah, c'est-à-dire donc qu'il fait acte de shafa'a, yashfa'u, yashfa'a qui est bien entendu l'intercession, c'est-à-dire qu'il intercède auprès d'Allah Azzawajal, donc il va vers cette tombe-là, et il demande à ce mayyit par les du'as qu'il intercède auprès d'Allah Azzawajal, il est rentré bien entendu fi shirk al-akbar, dans le grand polythéisme. Et c'est le même shirk que Quraysh pratiquait lorsqu'ils demandaient intercession à leur statue auprès d'Allah Azzawajal. Simplement que ici, au lieu que ce soit une statue, c'est un mort. Mais la chose est la même. On est bien rentré ici dans le polythéisme qui touche l'adoration, al-ribada. Donc la personne, elle était en rencontre de ce qu'on appelle tawhid al-ribada. Tawhid al-ribada. L'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration. Car elle a demandé à un autre qu'Allah Azzawajal. Et donc, il a accompli une adoration pour un autre qu'Allah. Il n'a pas demandé directement à Allah Azzawajal ici. Et c'est exactement le polythéisme que pratiquait donc Quraysh. Ma na'budum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. C'est ce qu'il disait. Quraysh. Les polythéismes de Quraysh. Nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azzawajal. En degré. Subhanallah. Et donc ici c'est la même chose. Ils se rapprochent d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils demandent à Allah Azzawajal ce dont ils ont besoin en passant par ce mort. Et donc ça rentre bien entendu dans ce qui est du domaine de l'innovation. Une innovation ici qui fait tomber la personne dans al-shirk al-akbar. Ayadan billah. Ou yaqsid al-du'a inda qabrihi. Ou yaqsid al-du'a abihi. Il veut par là, celui qui visite cette tombe, c'est qu'il fasse des du'a auprès de la tombe. Et donc il a la croyance ici que lorsqu'on fait des du'a auprès de la tombe, ou alors lorsqu'on prie auprès de la tombe, cela est plus profitable. Et ça rentre bien entendu dans l'innovation. Ça rentre ici dans l'innovation. Ça rentre dans le shirk. Mais c'est un wasila li shirk. C'est-à-dire, c'est ici, il a pris un moyen qui peut l'amener au shirk. Min wasail al-shirk. Donc un moyen qui peut l'amener au polythéisme. Et c'est pour ça que c'est strictement interdit. C'est pour ça que la personne n'a pas le droit de faire des du'as auprès de la tombe. C'est-à-dire, elle invoque Allah Azzawajal directement, donc ici sans faire d'acte de shirk, auprès de cette tombe-là, en ayant la croyance qu'il y a le baraka, que c'est plus profitable pour lui, etc. Donc ici, il est tombé dans l'innovation, il est tombé dans l'interdiction. Aw yaqsidu ad-du'a'a bihi, ad-du'a'a bihi. Et ça, c'est ce qui est encore pire, c'est-à-dire qu'il va invoquer le mort directement. يدعو به يدعو بالميت يدعو بالميت. Et donc on voit ici qu'ici le shir il a cité le terme bihi, yad'u bihi, donc qu'il fait l'invocation du mort directement. Et également il est tombé dans le grand shirk ici, lorsqu'il va invoquer le mot Ayyadan Billah, Nasallallahu Alaihi Wasallam. Donc tout ça, c'est ce qui rentre dans l'innovation. Et c'est ce qui est strictement interdit de faire. Et la personne, elle a dépassé les limites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fixées lors de la visite des tombes. Il nous dit فَهَذَا لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا اسْتَحَبَّ وَاحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأِمَّتِهَا. Et donc ici, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne l'a recommandé parmi les salafs de cette communauté et parmi ses imams. بَلْ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْمَنْهِ عَنْهَا بِاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأِمَّتِهَا. Et bien au contraire, ça fait partie des innovations qui sont strictement interdites. Et ça, c'est un consensus sur ce point-là des savants de cette communauté. Et avant eux, des salafs de cette communauté. Et il nous rappelle ici le shir. Et il nous rappelle ici le shir. Que l'imam Malik, rahimahullah, et d'autres encore, ils détestaient que l'on dise Zurtu qabra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha al-lafz lam yunqal 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire donc ce terme là employé lorsqu'on dit j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce terme là n'a jamais été transmis ou retransmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui va dans ce sens là, il nous dit bal al-ahadith al-mazkura fi hadha al-bab mithl qawli. C'est-à-dire qu'il va nous rapporter les hadiths qui vont dans ce sens ici. Et qui sont en réalité, tous les hadiths qu'il va citer, le shirk, qui sont des hadiths qui sont da'if, bal mawdou'a, qui sont faibles, ou alors qu'ils ont été inventés au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, pour revenir à la parole du shirk, en fait, lorsqu'il a dit, en yatluba hawa ijahu, c'est-à-dire qu'il va demander directement au mayyit ici des biens ou ce dont il a besoin. Donc ici, yad'u al-mayyit. Yad'u al-mayyit. Ça, c'est la première catégorie de ce qui rentre dans l'innovation. Donc ce qui rentre dans l'innovation ici, c'est donc soit une innovation qui en reste à une innovation, mais dont la pratique peut amener au shirk. Donc ça fait partie, min wasa'il shirk, ça fait partie des moyens qui peuvent amener au shirk. Ou alors qui est le shirk en lui-même. C'est donc les trois catégories que le shirk a citées. La première catégorie qu'il a citée, c'est lorsqu'il a dit aw yaqsidu ad-du'a 'inda qabrihi. Ici donc, ça se limite à l'innovation mais qui rend min wasa'il shirk. Tayyib. Donc la personne, elle fait du du'a auprès de la tombe. Elle invoque Allah azza wa jalla directement mais auprès de la tombe du mayyit, comme on a cité auparavant. Ou alors, et ici on rentre dans ce qui est ash-shirk, le polythéisme même, on rentre dans ce qui est du polythéisme même, ash-shirk, lorsqu'il a dit le shirk, ou yaqsidu ad-du'a abihi, yad'u bihi, c'est-à-dire donc qu'il prend ici le mayyit, c'est-à-dire le mort, comme un intercesseur, comme on fait Quraysh, comme on l'a cité auparavant. Tayyib, et bien entendu, il est rentré dans le shirk al-akbar, car il est un encombre du tawhid al-ibada ici. L'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Ou alors, c'est ce qu'il a cité au début, an yatluba hawa ijahu, c'est-à-dire qu'il va demander directement ici aux morts ce dont il a besoin. Et ça, bien entendu, c'est encore pire. Et il était donc encore plus loin dans ce qui est du shirk, lorsqu'il a demandé ici directement aux morts ce dont il a besoin, iyadan billah. Donc on voit ici qu'il est rentré également dans le shirk. Et donc ça, c'est les trois catégories. C'est-à-dire donc, imma, an yad'u al-mayyit, donc il invoque directement al-mayyit, ou alors yad'u bihi, c'est-à-dire qu'il va invoquer le mayyit qu'il intercède auprès d'Allah Azza wa Jal, ou yad'u 'indahu, c'est-à-dire qu'il fasse des invocations auprès d'Allah Azza wa Jal auprès du mayyit. Et donc on a vu ces trois catégories et ce dont en est le résultat. Donc ça, c'est pour récapituler et pour rappeler ce que le shir il a cité ici. Ensuite, on revient à ce que le shir nous a cité après pour ce qui est de la parole de l'imam Malik et tout ce qui rentre dans ce sens. Il va nous rappeler les hadiths qui sont donc, comme on l'a dit, qui sont ba'ifa ou mawdou'a et qui sont les suivants. Donc le shir va en rappeler plusieurs. Parmi ceux qu'il rappelle, ce hadith: man zarani وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. حديث qui est un hadith mawdou, qui est une invention pure, qui est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam al-Sakhawi fil maqasid, et dont beaucoup de savants, comme l'imam al-Nawawi, comme l'imam également al-Albani, fi silsilat al-ahadith al-da'ifa, qui est le numéro 35, le hadith numéro 35, qui vont nous rappeler donc que ce hadith n'a aucune base dans la sunna, et que c'est un pur mensonge. Le sens est le suivant: celui qui m'a visité et celui qui a visité mon père Ibrahim en une seule année, alors je lui assure le paradis. C'est-à-dire donc, il prend la garantie auprès d'Allah Azzawajal que cette personne qui a fait cela va rentrer au paradis. Dhamintu lahu ala Allah al-Jannah. Ça c'est le premier hadith qui est un mensonge. Le deuxième hadith qui est le suivant: man zarani ba'd mamati فَكَأَنَّمَا زَارَانِي فِي حَيَاتِي. Hadith qui est rapporté par l'imam al-Dharqutni et également al-Bazzar, et qui est le suivant: مَنْ زَارَانِي بَعْدَ مَمَاتِي. Celui qui m'a visité après ma mort, c'est comme s'il m'a visité. كَأَنَّمَا زَارَانِي فِي حَيَاتِي. C'est comme s'il m'a visité durant ma vie. Ce hadith donc, c'est un hadith qui n'est pas authentique, et dont beaucoup de savants ont rapporté parmi الأحاديث الموضوعة مثل الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة également في كتاب المقاصد الحسنة et où il se trouve un rapporteur et qui est Abdullah ibn Ibrahim al-Ghaffari et qui est un rapporteur qui est Thab. Donc ce hadith qui ne peut être pris en compte, car c'est un hadith qui est Thab, أقل شيء qui est Thab. Et bien entendu, comme va nous le rappeler le Shir, lorsque l'imam al-Dharqutni et également al-Bazzar le rapporte, ensuite ils mettent en évidence la faiblesse de ce hadith. C'est comme pour, en vérité, mettre en évidence que ce hadith il est faible. Donc ils le rapportent dans ce sens-là. Également un autre hadith qui est le suivant: وَمَنْ زَارَانِي بَعْدَ مَمَاتِي حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي. Celui qui va me visiter après ma mort, alors il aura droit à mon intercession. Il aura droit à mon intercession. C'est un hadith également qui est faible. Il dit le Cheikh, tous ces hadiths-là, ce sont des hadiths qui sont faibles. Bel mawdou'a. Et qui sont même des mensonges, qui n'ont aucune base dans la sunna. Laysat fi shay'in min dawawin al-islam allati yu'tamadu 'alayha. Donc on ne les retrouve pas dans les livres de l'islam qui ont bien entendu retranscrit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur lesquels on peut s'appuyer. Wala naqalaha imamun min a'immati al-muslimin. Et personne parmi les imams des musulmans ne les ont rapportés. La al-a'immatu al-arba'a wala ghayruhum. Que ce soit donc les imams, les quatre grands imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa wala ghayruhum. Et les autres également. ولكن روى بعض البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك فإذا كانت من هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. Donc simplement le Cheikh nous a fait une parenthèse ici, il a dit que ce qui avait été rapporté par l'imam al-Bazzar ou Dharqutni, comme on l'a dit, c'était simplement pour mettre en évidence que c'était des hadiths qui sont faibles, dont on ne peut prendre en compte dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement dans ce but là sinon personne parmi les imams n'ont rapporté ces hadiths pour les yuhtad jubi, c'est-à-dire pour qu'on les prenne comme preuve ou qu'on s'appuie sur eux pour faire ces actes-là. Il nous dit donc le Cheikh, si tout ce qu'on a cité auparavant, donc, ça fait partie de l'innovation, ça fait même partie du shirk, ça fait partie donc du polythéisme. Tout ce qu'il a cité, le fait d'invoquer Allah Azzawajal auprès du Mayyit, ou alors d'invoquer le mort directement, ou alors de le prendre comme intercesseur, Il nous dit, si tout cela c'est interdit, alors qu'en est-il auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de faire ces actes-là? Ceux qui demandent donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intercesseur, ou alors ceux qui font des doigts auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant que cela est plus profitable pour eux. Il nous dit donc, si tout cela était interdit pour les tombes en général, alors qu'en est-il pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire que l'interdiction sera encore plus dure. Et surtout avec tout ce qu'on a vu auparavant, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui mettait en garde de ces choses-là, et qu'on a détaillé dans le dernier cours. Il nous dit ensuite, après avoir détaillé cette question qui était importante, et bien entendu, beaucoup de savants ont développé ce sujet, c'est-à-dire ce qui est en relation avec les tombes et tout ce qui s'y passe malheureusement, le shirk que l'on peut voir, que l'on peut témoigner, ayadan billah, beaucoup de savants en ont parlé, et ils ont annulé toutes les ambiguïtés qu'ont rapporté les gens du dalal, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, à propos de cela. Et parmi les livres qui sont très recommandés et qui sont excellents en ce sujet, le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, son livre Kashf al-Shubuhat, Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, qui est un des meilleurs livres qui a été écrit par rapport à ce sujet-là. Ensuite, il passe à un autre sujet, le Cheikh, et il nous dit وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَى وَيُسَلِّ فِيهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَأَحْسَنَ الطَّهُورِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَى لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ عُمْرَةٍ رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة قال الترمذي حديث حسن. Ensuite, comme le Cheikh est en train de parler de ce que l'on fait lorsqu'on visite Médine et lorsqu'on visite Masjid al-Nabi, la mosquée du prophète, il a également rapporté ce qui est légiféré en ce qui concerne la mosquée de Quba. La mosquée de Quba. Mais on sait donc que cette mosquée de Quba, elle a été bâtie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et c'était la première mosquée qui était aussi satar al-taqwa, qui était construite sur la piété d'Allah azza wa jal, comme Allah azza wa jal l'a mis en évidence dans son Coran. Et on sait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il est resté auprès de Bani Amr ibn Auf al-Ithnan wa al-Thulatha wa al-Arbi'a wa al-Khamis, c'est-à-dire qu'il est resté ces 4 jours et qu'ensuite il a construit la mosquée. Et il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme va nous le citer le shir, des hadiths où il est légiféré de prier dans cette mosquée-là, et dont il y a un grand ajr pour celui qui va visiter donc Médine. Et parmi ces hadiths, celui qui l'a cité le shir, qui est rapporté par l'imam Ahmed ou al-Nasai ou ibn Majah, et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man tatahara fi bayti, celui donc qui se purifie dans sa maison, wa ahsana at-tahur aw at-tahr, et celui donc qui parfait cette ablution, cette purification, thumma ata masjid Quba, et ensuite il se dirige, il va à la mosquée de Quba, la yuridu illa as-salata fi, et bien entendu ici son intention, c'est qu'il veut uniquement prier dans cette mosquée. Kan lahu ka ajrin umratin. Alors il aura comme récompense la récompense d'une umra. Le deuxième hadith qui nous a cité, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et qui est un hadith également authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul as-salatu fi masjid Quba ka umratin. Et qui reprend donc ce qui était dit auparavant, et qui est la suivante, la prière dans ma mosquée, ou Arfouane, la prière dans la mosquée de Quba est considérée comme une umrah. Bien entendu ici, par rapport à la récompense, considéré comme un umrah par rapport à la récompense. Ça ne veut pas dire que la personne qui fait ici, bien entendu, deux raka'ah, qui va faire donc deux unités de prière dans cette mosquée, c'est comme s'il avait fait une umrah, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire une umrah s'il n'a pas fait de umrah auparavant. Là, c'est ici, bimarna al-ajr. Bimarna al-ajr, c'est-à-dire la récompense uniquement. Donc la personne, ici bien entendu les hadiths sont âmes par rapport au jour. C'est-à-dire qu'ils sont générales par rapport à la période. Donc à n'importe quel moment, la personne, elle va pour prier dans cette mosquée, alors elle a cette récompense. Mais on sait qu'il y a d'autres hadiths qui sont venus de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, min hadith Abdullah ibn Omar, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا وكان عبد الله يفعل ذلك. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait à la masjid de Quba tous les samedis, que ce soit ماشيا أو راكبا, c'est-à-dire en marchant ou par moment en montant sa monture. Et Abdullah ibn Umar, il faisait la même. Donc certains savants, ceux qui ont dit que le lieu que Yom Sept, c'est-à-dire le jour du samedi, c'est meilleur par rapport à ce hadith. D'autres qui ont dit que c'est général, que ce soit donc le jour du samedi ou alors que ce soit d'autres jours de la semaine, comme il est venu dans les autres hadiths qui sont, eux, général. À la kulli hal ici, certains savants ont rappelé pour ce qui était de Masjid al-Quba et pour ce qui était de le faire le As-Sept, certains savants ont rappelé que cette mosquée, c'était la première mosquée qui était construite sur la taqwa. Et qu'ensuite a été construite la mosquée de Médine. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il garde à cette mosquée un haq, un droit, et pour motiver également les gens en ce sens, il a cité ces hadiths, sallallahu alayhi wa sallam. Également ceux qui ont dit, parce que avant, les gens de Quba priaient donc al-Jumu'ah dans la masjid de Quba. Et qu'ensuite, lorsque la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été construite, tous les gens donc se sont rassemblés pour le Jumu'ah à cette mosquée-là. Et donc, pour motiver les gens de Quba, lorsqu'ils revenaient donc à Quba, il les a motivés dans ce sens, kafahum, c'est-à-dire qu'il les a motivés, qu'il leur a donné une récompense de par ces hadiths. Lorsqu'ils revenaient donc à Quba, ils priaient dans la mosquée pour avoir cette récompense. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait récompenser et motiver ses compagnons aux actes du bien. Donc c'est ce qui a été cité par certains savants pour ce qui est de Al-Hikma, de la prière le samedi dans cette mosquée. Al-Raka'atayn, bien entendu, qui est Salat al-Nafila. Ensuite, le shir, il va parler de ce qui est de voyager pour visiter les mosquées. Et également, il va revenir toujours à la question des tombeaux. Inch'Allah, on continuera le cours demain, bi'idnillah, c'est-à-dire vendredi, à la même heure. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.